Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. Mars 2005, Salon du Livre de Paris. Invité à parler de la Koé du Lamantin dans l'émission Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, Edouard Glissant évoque avec son ami poète et traducteur le mythe andalou, ses contacts avec le monde islamique, l'énergie de poésie d'Abou Yazid al-Bistami et la notion de débord, centrale dans le soufisme. Il est aussi question dans cet entretien de théâtre, à travers le souvenir de Kateb Yassine. Au moment où nous nous rencontrions, par exemple avec Kateb Yassine à Paris, l'idée d'une éruption de l'intégrisme n'était pas évidente. Mais il y avait, chez Kateb en particulier, une appréhension. Et après, quand il est rentré en Algérie et qu'il a fait ce théâtre populaire avec des textes qu'il écrivait en arabe, vulgaire, en arabe dialectal. En arabe dialectal, cette fois-ci. Mais il a, à ce moment-là, il a été en butte aux menaces des premiers intégrismes qui lui reprochaient de jouer du théâtre sur les places publiques avec des jeunes filles qui étaient dévoilées ou qui disaient des textes qu'elles ne devraient pas dire, etc. Il a reçu des menaces, etc. Mais avant cela, il y avait eu le rêve, cette espèce d'Eldorado que constituaient les cultures arabo-andalouses. Tout le monde rêvait de ça. Il y avait le mythe, d'abord, d'une sorte de rencontre dans cette culture qui faisait qu'on rêvait que Avicenne et Averroès étaient l'un juif, l'autre arabe, et étaient à l'aide de connivence. Et il y avait cette espèce de fascination pour cette période de l'histoire occidentale qu'a été la culture arabo-andalouse. Et je crois que ça, personnellement, ça m'a prédisposé à la lecture des textes arabe. La question est de savoir si c'est une réalité ou si c'est un mythe. Si c'est un mythe, c'est un mythe qui fait vivre et qui fait penser. Quand je lis les traductions des poèmes de l'époque, je me rends compte que on ne peut pas distinguer les poèmes écrits par des Arabes des poèmes écrits par des Juifs, alors qu'ils sont écrits dans la même langue arabe. Dans Kateb Yassine, il y avait une espèce d'impertinence rêche qui n'hésitait pas à se prendre soi-même à partie, à se mettre soi-même en question, à mettre l'islam en question. Et je pense que Kateb Yassine a essayé de revenir à des sources, on pourrait presque dire, anti-islamiques. Il a essayé de revenir à des sources sauvages. On dirait qu'il était un peu païen, que le paganisme anti-islamique le fascinait et qu'il essayait de chercher là-dedans des énergies qui seraient des énergies beaucoup plus libérées, beaucoup plus libres que celles qui se développeraient dans le cadre de l'islam. De ce point de vue aussi, c'était un poète très moderne. Je veux dire que dans cette recherche qu'il avait de cette énergie fondamentale, de cette primitivité et de cette insolence de l'être enraciné dans quelque chose qui n'était pas régi par des codes et des lois, Il rejoignait la plupart des poètes modernes. Il rejoignait en tout cas Jean Genet et les autres poètes de la modernité. Dans Katabiassine, qui est décidément un grand écrivain, la récusation des lois de la filiation, à un moment, personne ne sait qui est le père de qui. N'est-ce pas? Et là, il joue à fond ce qu'on pourrait appeler l'interruption généalogique, qui est une des conditions de la modernité. Absolument. Et la mère de Nejma, qui est le symbole, disons, de l'Algérie. Le mélange. Elle est le pur produit du mélange. Non seulement les mélanges, mais elle est juive. Autrement dit, c'est comme si c'était l'exact contraire de l'autre qui vient de soi, qui vient composer le mélange et qui vient composer la nouvelle spiritualité. Et je crois que c'est dans des poétiques comme ça qu'on peut trouver de l'espoir.